j'ai du Jackson. Zozo n'est pas fou, les traits sont en faction. Beaucoup de munitions, dans mon sac Louis Vuitton. J'ai fait des tacles en coucou, même quand tu n'as pas de ballon. Tu fais de la zik, tu dis que je fais du mal, tu crois que t'es un mec bien. Les avisés comme les trous de balle, tout le monde en a un. Donc tu ferais mieux te taire, quand mon gang va faire la guerre. Ta tête va rouler par terre. Tu sais, zéro, faudra tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras. La go veut des sous pour s'acheter de la maison. Elle s'en fout de tout, elle croit qu'elle a raison. Elle veut pas de ses millions, non, traîne avec mauvais garçon. Sa bibi du poison, fait des allers-retours en prison. Tu ne sais pas rater, ça ne va pas mieux marcher, même si t'appuies sur tous les boutons. Je gonfle les pecs comme un centurion, je te cloue ton bec, je défonce ton croupion. Au royaume des aveugles, les chiens sont rois. Je pointe mon flingue comme si je pointais mon doigt. Je ne fais pas que passer, je prépare un siège. La météo prévoit des montagnes de neige. Désolé si ça t'étonne, si je dis pas bonjour avant de tirer. Non, merde Jean-Marie Weston, c'est le peur à français qui va me les cirer. J'ai rendez-vous avec la NASA pour mesurer la taille de mes couilles. Tu trompes si tu cherches un mec cool. 2-7-0, faudra tous les kebras, tous les kebras, tous les kebras.